Merci, c'était la seconde H du lycée de Chevrolier, qu'on retrouvera un peu plus tard. Donc, Jimmy Chariot, doctorant en droit, et Emmanuel Graton, docteur en sociologie. On va démarrer pour la première partie de cette conférence, notamment sur le contexte. Et je vais vous laisser la parole à vous, Emmanuel, avec le titre de cette première partie qui est « Je suis Charlie, tu es barbare ». Voilà, à chaque fois que je dis « Je suis Charlie », vous pouvez répondre « Tu es barbare », si vous le souhaitez. Voilà, je me suis inspiré en fait des deux événements majeurs, on va dire, de l'année 2015. Et c'est vrai que parler de Rabelais à Charlie faisait penser effectivement à ce qui a été prononcé comme slogan un petit peu à l'occasion des premiers attentats. « Je suis Charlie », ça a parcouru les réseaux sociaux dans le cadre des manifestations, la marche républicaine qui a pu avoir lieu. Effectivement, c'est un slogan qui a beaucoup pris. Et concernant les attentats de novembre, effectivement, le discours était un peu différent. On disait plus « je suis Charlie », mais plutôt on dénonçait la barbarie. Hein. Et voilà. Donc j'ai essayé de mettre un petit peu en musique et en rapport ces deux expressions « je suis Charlie, tu es barbare ». On pourrait dire aussi « nous sommes Charlie, ils sont barbares » peut-être. Hein. Donc c'est un peu une réflexion que j'ai essayé d'avoir autour de ça. Autour de ce thème de barbare. Finalement, il n'y a que Dieudonné qui est affirmé, peut-être vous en souvenez, « Je suis Charlie Koulibaly », hein, comme pour dire qu'il était mi-Charlie, mi-barbare, mais peut-être que pour lui, les vrais barbares étaient-ils encore ailleurs. Je vais donc tenter de remonter ce terme « barbare » pour tenter de comprendre en quoi il constitue une injure destinée à nous différencier de ses actes, voire de ses assassins, considérés comme inhumains. Traiter quelqu'un de barbare, c'est justement le propre de l'injure. Dire de quelqu'un qu'il est barbare, c'est finalement le considérer comme fondamentalement différent de soi. Je suis Charlie, tu es barbare. Par son évolution, le terme de barbare désigne tour à tour l'étranger, celui qui n'est pas comme moi, qui ne parle pas comme moi, puis celui qui n'est pas civilisé, celui qui est sauvage et donc cruel. Et enfin, celui dont on met en doute l'humanité même. Je vais essayer de reprendre un peu cette évolution graduelle. Barbare désigne d'abord l'étranger. À l'origine, la barbarie n'a rien à voir avec la violence, avec la cruauté. Même les Grecs sont violents, font la guerre. Une guerre qu'ils pensent civilisée, une guerre juste, à défaut de penser une guerre sainte. Chez les Grecs, les barbares sont les peuples qui l'entourent et qui parlent une autre langue, comme les Perses, par exemple. Chez les Romains, les barbares sont tous les peuples qui migrent, envahissent, disent-ils, l'Empire romain et contestent donc les frontières de cet empire. Chez les chrétiens, considérés initialement comme barbares, ils finiront par considérer comme barbares tous les païens. En fait, le barbare, c'est l'autre. Ça désigne le lien à l'autre. Et barbare, celui qui est différent de moi, qui me fait peur, qui est menaçant. Il me menace et c'est ce qui justifie ma haine. Pour pouvoir justifier cette haine, il faut le disqualifier, il faut le considérer comme inférieur. C'est le processus habituel de l'injure. Barbare qui s'exprime mal. Barbarisme, moyen de disqualifier l'autre. Manque de raffinement, de distinction. Hérodote a travaillé sur les spécificités et les qualités propres de chaque peuple barbare qui entoure la Grèce donc. Il a remarqué que les plus éloignés sont ou apparaissent comme les plus imparfaits. Il découvre ainsi le principe de relativité. Les Égyptiens, les Grecs, les uns écrivent à l'endroit, les autres à l'envers. Mais lesquels écrivent véritablement à l'endroit ou à l'envers? Principe de réversibilité. C'est précisément cette présomption de supériorité par quoi un peuple enferme l'étranger dans une altérité qui rime avec infériorité que combat Hérodote. Si on proposait à tous les hommes de choisir parmi toutes les coutumes qui existent, les plus belles, chacun choisirait celle de son pays, tant ils sont convaincus, chacun de leur côté, que leurs propres coutumes sont supérieures à toutes les autres. Je suis Charlie, tu es Charlie, il est Charlie, nous sommes Charlie, mais aussi je suis barbare, tu es barbare, il est barbare, nous sommes barbares. Par extension, le barbare désigne le non-civilisé. Il y a un renversement de la notion de barbarie qui passe de l'idée d'une origine ethnique différente à la barbarie entendue comme cruauté. Les invasions dites « barbares » témoignent d'une description de peuples non civilisés, arriérés, primitifs, sauvages. Le terme va même connaître un nouvel essor avec les peuples situés à l'extérieur de l'Empire romain, les migrations dites « invasions ». Les historiens considèrent que ces dites « invasions » étaient plutôt de simples migrations et que la rencontre des peuples conduisait simplement à des luttes de territoire. Ça devrait nous faire réfléchir un peu sur l'accueil que nous réservons aux réfugiés. On critique leur mode de vie pour justifier le fait de les envahir et de les dominer. Il y a eu des poussées au 1er siècle, au 3e siècle, au 4e siècle. Ces peuples portent différents noms, les Francs, les Alamans, les Huns d'Attila, les Wisigoths, les Bastarnes, les Alains, les Gétons, les Jettes, les Sarmates, les Vandales. Ces invasions sont qualifiées de barbares pour leur violence, leur sauvagerie, leur langage, leur hurlement. Amiens Marcellin les qualifie même d'animaux à deux pieds. Ils avaient pourtant leur culture, leurs coutumes et leurs mœurs. Barbares, définis alors, qui n'est pas civilisé. Et pourtant, comme le dit La Bruyère dans Les Caractères, tous les étrangers ne sont pas barbares et tous nos compatriotes ne sont pas civilisés. En fait, il s'agissait plus de migration que d'invasion, selon les historiens. L'Empire romain a laissé la place à une mosaïque de royaumes romano-barbares. Il y a eu une barbarisation lente de l'armée romaine et les barbares, désignés comme tels, se sont romanisés, christianisés dans l'Europe du Sud, moins vite dans l'Europe du Nord. Les guerriers germains sont restés plus longtemps barbares, en quelque sorte. Ils aspiraient à décéder d'une mort violente, à l'image de leur dieu Odin. L'Europe connaîtra d'autres invasions au 9e et 10e siècle avec les Normands, les Hongrois. On les traite alors de païens, hérétiques, idolâtres. La vague musulmane au moment des croisades est qualifiée aussi de barbare et considérée comme une religion de violence et de débauche. On parle de horde, de carnage. Les martyrs de Cordoue seront exécutés pour avoir accusé publiquement Mahomet d'être un prophète libidineux inspiré du démon. Euloge, en 857, dépeint le prophète forniquant avec sa tutrice selon la coutume des barbares. Le terme sert de caution aussi aux croisades et encore plus tard à la colonisation. Cette fois-ci, les Européens chrétiens justifient de coloniser les peuples barbares du fait même de leur barbarie et d'instituer l'esclavage. Dans Les Cannibales, Montaigne assure, nous les pouvons donc bien appeler barbares eut égard aux règles de la raison, mais non pas eut égard à nous qui les surpassons en toutes sortes de barbaries. Montaigne parle ici en particulier de la torture. Mérimée, dans une lettre à Viollet-le-Duc en 1870, avance aussi qu'un peuple très barbare peut être fort doux et un peuple très civilisé fort barbare. Le barbare est donc une figure repoussoire qui permet de définir le degré de civilisation d'un peuple. C'est un contre-modèle dont le dit civilisé a besoin pour se sentir civilisé. Constantin Kafafi a écrit un poème en attendant les barbares qui se termine ainsi. Mais alors, qu'allons-nous devenir sans les barbares? Sans barbares, pouvons-nous être Charlie? Par extension encore, barbare désigne le non-humain. Bien que la barbarie puisse être en chacun de nous, dans notre humanité, la désigner comme extérieure est une manière de se défendre de son ancrage. Chacun est susceptible de devenir barbare, comme la Shoah nous l'a montré. Ceci a conduit à réfléchir ce qu'est finalement être humain. Qu'est-ce qui pourrait bien séparer l'humain de toute autre espèce? L'homme de Néandertal était-il humain au même titre que l'Homo sapiens? Elephant Man était-il humain? Vercors a tenté d'approcher cette question à travers son ouvrage « Les animaux dénaturés ». Son roman, publié en 1952, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, est la révélation de ses atrocités. À cette époque, le monde philosophique et littéraire est traversé par une grande remise en question. Alors que l'homme était principalement défini jusque-là par ses qualités, les hommes se trouvent confrontés à des actes d'une grande barbarie, non pas nouvelle dans son fondement, mais d'une ampleur encore jamais réalisée. Il s'interroge sur la définition de l'humain et passe en revue les critères physiques, les critères spirituels, les critères culturels, les facultés d'esthétique et de croyance pour juger de cette question à partir de la découverte d'une nouvelle famille d'individus qu'il nomme les Paranthropus Grahamiensis, surnom les Tropis, et qui serait le chaînon manquant entre l'homme et le singe. Les tropistes inventés par Vercors sont finalement reconnus comme étant des hommes. Pourtant, physiquement, ils ressemblent plus à des grands singes. Ils ne disposent pas d'un langage aussi complexe que ceux que nous trouvons dans les sociétés humaines et possèdent ainsi de nombreuses caractéristiques qui les rapprochent des animaux. La raison pour laquelle ils sont humains est qu'ils font fumer leur viande afin de la purifier, non pas pour le goût ou pour éliminer les germes toxiques, mais pour des raisons de croyance. À l'époque, les animaux dénaturés, nos connaissances étaient moins avancées sur le plan anthropologique. Mais la question demeure, toutes les créatures appartenant au genre homo sont-elles des hommes, ou seuls les homo sapiens sont des hommes? Barbare signifie que ce n'est pas humain. Mais si ce sont des hommes qui commettent ces actes inhumains, toute injure est une manière de déshumaniser l'autre à partir de sa propre définition de l'homme. Thorodoff, en 2008, dans La peur des barbares, nous donne pourtant une belle définition du civilisé. Est civilisé en tout temps et en tout lieu, celui qui sait reconnaître pleinement l'humanité des autres. Deux étapes doivent être franchies pour le devenir. Au cours de la première, on découvre que les autres ont des modes de vie différents des nôtres. Au cours de la seconde, on accepte de les voir porteurs de la même humanité que nous. Charlie est peut-être aussi un barbare quand il traite l'hôte de barbare. Merci beaucoup pour cette définition du barbare. Je vais laisser la parole à Jimmy Chariot, plutôt pour le cadre juridique et la définition de l'injure par la loi. Oui, alors j'ai le rôle peut-être le moins sympa de la soirée, celui de vous parler de droit. Enfin, il y aura trois temps différents et j'ai donc choisi dans un premier temps de vous parler de la définition juridique de l'injure. Ensuite, lors du second temps, je vous parlerai de l'interprétation de l'injure qui est faite par les juges et donc on analysera différents procès connus. Et puis enfin, je vous parlerai de la perception du droit de l'injure par la population. Et il y a parfois un décalage entre le réel et cette perception-là. Alors, donc, sur la définition de l'injure, il faut reprendre une loi qui est assez célèbre en droit, c'est la loi sur la liberté de la presse de 1881. C'est elle qui définit ce qu'est l'injure. Donc, est injure toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. Alors, en droit, quand on définit une infraction, on a pour habitude de prendre d'abord l'élément qu'on dit matériel et ensuite l'élément qu'on dit moral. L'élément matériel de l'injure, c'est le fait de porter atteinte à la dignité de la personne, à sa considération. Ça, c'est l'élément matériel. Alors maintenant, l'injure, elle peut recouvrir différentes formes. Ça peut être l'injure orale, comme on a vu tout à l'heure avec les lycéens. Ça peut être une injure qui se fait par l'écrit, ça peut être une injure qui se fait par l'image, par les dessins, par la gravure, etc. Pour être injurieux, un propos n'a pas besoin d'être grossier. Par exemple, en 1968, il y a une jurisprudence qui a considéré que le terme de clown pouvait être considéré comme un injurieux. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ce ne serait plus le cas. Il y a eu des évolutions qui font qu'une jurisprudence à un moment donné n'est pas forcément valable à tout moment. Ensuite, donc ça c'était pour l'élément matériel. Pour l'élément moral, il faut que le juge recherche l'intention coupable de l'auteur, c'est-à-dire la conscience qu'il a de porter atteinte à la dignité de l'autre. En revanche, le juge ne va pas chercher ce qu'on appelle les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont motivé l'injure. Souvent, on entend lors des procès pour propos racistes, on entend la personne dire « non, non, je ne suis pas raciste ». C'est le fameux argument de Nadine Morano « j'ai ma meilleure amie qui est noire ». Ça ne marche pas devant le juge. Le juge ne regarde pas ça. Il n'y a pas besoin d'être raciste pour qu'un propos injurieux soit considéré comme raciste. Ça, c'est le premier point. Ensuite, en ce qui concerne maintenant le régime juridique de l'injure, c'est-à-dire les peines qui sont encourues, là, il faut faire une distinction, et le droit fait une distinction, entre les injures qui sont publiques et les injures qui sont privées. Les injures qui sont privées, ce sont de simples contraventions qui sont punies par le code pénal. Pour une injure, c'est 38 euros. C'est une contravention de première classe. Quand l'injure, en revanche, est aggravé, qu'il y a des circonstances aggravantes, c'est-à-dire quand l'injure est proférée à raison de la race, l'origine ou la religion. Alors j'emploie le mot race, hein, c'est le mot qui est employé dans les textes juridiques. Hein. Je sais que parfois ça ne plaît pas, mais les textes juridiques emploient ce mot. Donc si le mot est employé à raison de la race, l'origine ou de la religion, ça c'est depuis 1972, à raison de l'orientation sexuelle, du sexe ou du handicap, depuis 2004, là c'est plus une amende de 38 euros, c'est une amende de 750 euros. Ensuite, donc ça c'est pour l'injure privée, dans le cadre privé. Pour l'injure dans le cadre public maintenant. Eh bien là, on passe à une... C'est plus une contravention, c'est un délit. Et c'est un délit qui est puni par une amende de 12 000 euros. 12 000 euros pour l'injure publique. Et encore une fois, cette injure publique est aggravée. L'amende est aggravée dans le cadre de... si elle est proférée à raison de, encore, la race, l'origine, la religion, l'orientation sexuelle, le sexe, le handicap et l'identité sexuelle en plus. L'identité sexuelle, donc, c'est apparu en 2012. C'est tout ce qui concerne les personnes transsexuelles. Voilà. Et donc là, c'est plus 12 000 euros, c'est 22 500 euros, et c'est accompagné d'une peine de prison de 6 mois de prison. Alors, le but, en quelque sorte, du juge, et ce qu'il va rechercher, c'est le caractère public ou non de l'injure, parce que là, la peine sera différente. Alors, pour rechercher ce caractère public, parfois, ça va être simple. Ça va être en fonction du lieu. Si c'est dans la rue, si c'est sur une place publique, un théâtre, etc., ça va être considéré comme une injure publique. Parfois, on va prendre en compte le support de l'injure. L'injure s'est faite par le biais d'un journal, si ça s'est fait à la télévision, à la radio, alors à ce moment-là, ça va être considéré comme une injure publique. Ensuite, il y a plusieurs cas qui vont poser problème, où il y aura un doute. Par exemple, une injure qui a pu être dite au cours d'une réunion privée, mais qui, parce qu'il y a des caméras au sein de cette réunion, vont être diffusées après dans le public. Est-ce qu'il s'agit d'une injure qui est publique ou d'une injure qui est privée ? Alors là, vous avez l'exemple de la jurisprudence dite Brice Hortefeux, qui, une fois, à l'occasion d'une réunion, à propos d'une personne dite d'origine supposée arabe, Brice Hortefeux avait dit « quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a plusieurs que ça ne va plus ». Là, le juge avait dit qu'il s'agissait d'une injure privée et non pas publique, parce que ça avait été dit au cours d'une réunion, d'un meeting de militants UMP, et après ça avait certes été repris par la presse, mais à l'origine ça avait été dit dans un cadre bien privé. Et là le juge va employer un critère déterminant dans le fait de savoir s'il s'agit d'une injure privée ou publique, c'est le fait de partager une communauté d'intérêts. À partir du moment où les personnes partagent une communauté dite d'intérêt, eh bien, l'injure est dite privée. Là, la communauté d'intérêt était partagée par l'ensemble des militants UMP. Par conséquent, il n'y avait pas d'autres personnes au sein de cette communauté d'intérêt, et donc l'injure était bien privée et non pas publique. Le problème aujourd'hui qui se pose, là je me retourne vers les lycéens peut-être, c'est l'injure qui est prononcée sur les murs Facebook. Il y a eu une affaire où une salariée a été condamnée parce qu'elle avait fait une injure, elle avait injurié son employeur sur son mur Facebook. Et donc le juge a encore raisonné à partir de cette notion de communauté d'intérêt. À votre avis, qu'est-ce qu'il a dit ? Est-ce qu'il y a une injure publique ou une injure privée dans le cadre de Facebook ? Public. Il y a une subtilité sur Facebook quand même. À cause des amis, oui, voilà, c'est ça. En gros, le juge, il a dit, ça dépend. Si le profil est ouvert à tout le monde et que si vous n'êtes pas forcément ami avec cette personne, vous pouvez voir son mur, eh bien, à ce moment-là, l'injure qui est donnée sur ce profil-là est publique. Là, en l'occurrence, en l'espèce, le profil de cette salariée n'était pas ouvert au public. Seuls ses amis Facebook pouvaient voir le contenu de son profil. Et donc, à partir de ce moment-là, le juge a considéré que l'injure était privée. Et c'est la même chose qui se produit avec Twitter. Si votre profil est public, eh bien, à ce moment-là, l'injure que vous faites sur un tweet va être considérée comme publique. Si le profil est en revanche privé, qu'il est très restreint, l'injure va être considérée comme privée. Parce que la communauté d'intérêt, donc là c'était la communauté des amis facebookiens en quelque sorte, eh bien là il y avait une injure qui était seulement privée. Voilà pour le régime juridique. Ensuite, j'aimerais vous faire part peut-être de quelques distinctions. Parce que souvent on confond injure et diffamation. Or, en droit, ce sont deux choses totalement différentes. Certes, l'injure et la diffamation reposent sur le même fondement. C'est en quelque sorte l'atteinte à la dignité de l'autre, l'atteinte à la considération d'autrui. Sauf que, à la différence de l'injure, la diffamation repose sur un fait bien déterminé. Ça va être, par exemple, traiter quelqu'un de collabo. Collabo, tu as participé à la collaboration durant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien là, ça repose sur un fait bien déterminé. Il ne s'agit plus d'une injure, il s'agit d'une diffamation. Et l'importance est de taille parce que si vous poursuivez quelqu'un devant le juge en raison d'une injure et qu'il s'agit en réalité d'une diffamation, eh bien vous perdrez votre procès. Parce que le juge, on dit, n'a pas la qualité pour requalifier. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit, s'il s'aperçoit qu'en fait, ben non, il ne s'agit pas d'une injure, il s'agit d'une diffamation, il n'a pas le droit de changer au cours du procès la qualification. Ce qui fait que s'il s'agit vraiment d'une diffamation et que vous l'avez poursuivi pour injure, eh bien à ce moment-là, vous perdez votre procès et l'autre n'est pas condamné. Donc ça a son importance. Ensuite, j'aimerais aussi distinguer peut-être l'injure de la discrimination. Parce qu'aujourd'hui, on a un peu tendance à tout voir sous le prisme de la discrimination, tout serait discrimination. Or, en droit, il y a bien une distinction entre discrimination et injure. L'injure repose sur un propos outrageant, on l'a dit tout à l'heure, sur une image outrageante, alors que la discrimination, s'il y a derrière toujours cette idée d'atteinte à la dignité, mais il y a quand même une différence. La discrimination, c'est un acte, c'est-à-dire c'est le fait de refuser, par exemple, l'accès dans un lieu, le fait de refuser l'accès dans un magasin, le fait de refuser quelqu'un dans un emploi, le fait au contraire de licencier quelqu'un dans son emploi à raison de, il y a un certain nombre de critères, dont la race, l'origine, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, etc. Il y a 21 critères en tout dans la loi. Et donc à ce moment-là, c'est bien une discrimination et ce n'est pas une injure. Il y a un acte derrière. En revanche, il est vrai, une injure peut être discriminatoire. Je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des injures à raison de l'orientation sexuelle, du sexe, etc. Et à ce moment-là, il s'agit bien d'une injure discriminatoire, mais il ne s'agit pas d'une discrimination. C'est vraiment la distinction qui est à opérer. Voilà. J'en ai terminé pour ce premier temps. Donc, en gros, vous devez retenir en fait l'image de la poupée russe. Il y a les délits de presse d'une manière générale, avec l'injure, la diffamation. Ensuite, il y a une poupée un peu plus petite qui comprend l'injure. Au sein de cette poupée, il y en a deux autres. C'est l'injure publique et l'injure non publique. Et puis, à l'intérieur, à chaque fois, il y a encore une distinction à faire entre l'injure dite normale et puis l'injure qui est aggravée à raison de certains critères de distinction, l'orientation sexuelle, le sexe, l'origine, la race, la religion. Voilà. Je vous remercie. On va laisser la place pour une seconde performance des lycéens à la première aile du lycée Sacré-Cœur. Ben voilà, je ne sais pas qui s'est fait traiter de trou du cul, je crois que c'est juste dans la transition. Je vais laisser la parole à Emmanuel Gratton. Pour le côté sociologique, pour justement qui dit quoi. Il n'est pas allumé. Qui dit quoi à qui. Pardon, j'avais pas fini. Ok. Qui dit quoi à qui, oui. L'insulte, c'est une forme expressive, justement, vous avez pu remarquer, des représentations et des stéréotypes qui sont déjà là, déjà en place. La visée blessante de l'insulte montre qu'une insulte peut être proférée uniquement, justement, en fonction de cette visée et non de son objectivité. Il est rare, par exemple, de traiter de sale pute, par exemple. Je ne risque rien, Jimmy. C'est bon. Une prostituée sur le trottoir, car la situation est suffisamment claire et ne justifie en rien de dénoncer quelque élément qui serait d'évidence visible. Par contre, traiter de petite pute, une fille dont les vêtements sont jugés trop courts ou transparents, c'est lui indiquer ce qu'elle représente bien, qu'elle ne soit en rien objectivement prostituée. Il se peut même que le terme de pute puisse être utilisé à propos d'un simple comportement dont l'analogie avec le phénomène prostitutionnel soit très éloignée, comme par exemple un comportement de séduction dans un registre non sexuel, pour tirer un avantage quelconque, comment témoigne l'expression « faire la pute » ? Si on veut sophistiquer le vocabulaire, on peut parler de gourgandine. Enfin, il se peut encore que l'insulte soit complètement décontextualisée à la seule fin de blesser, de discréditer et de rendre honteux la personne à qui elle s'adresse. Elle est alors une affirmation gratuite, comme peuvent en témoigner d'autres expressions, comme « gros nègre » ou « sale bougnoule », adressées à quelqu'un blanc de peau, mais qui est ici associé à un imaginaire d'appartenance raciale, parce qu'il présente un trait de ressemblance, comme par exemple les cheveux frisés. Voyez comment le qualificatif « gros »,« sale », »,« petit » viennent renforcer l'injure. On est loin ici de l'art de l'insulte, propre à Rabelais, qui fait des termes les plus scatologiques, une matière, pourrions-nous dire, à penser. Ou encore le philosophe Schopenhauer, pour qui l'insulte était une seconde nature. On le voit, l'injure s'enracine dans une corporéité, un corps agissant en relation avec un environnement et ou autrui. C'est un acte de langage. L'injure, elle suit des lois, avec des participants à l'interlocution ayant différents statuts. Qui s'adresse à qui ? À propos de qui et devant qui ? Destinateur injurieur, destinataire injurière, référent injurié. Il peut s'agir d'une relation à deux, ou souvent d'une relation à trois, ou alors parfois tout seul, comme le juron. Quel est le contenu de l'injure ? Qu'est-ce qui est dit et comment, avec des injures que certaines qu'on appelle spécifiques et d'autres non spécifiques. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Il s'agit aussi d'une interaction. L'injure, elle est toujours dans une interaction, dans un contexte. Quel rôle joue le contexte ? Les ressources des différents acteurs de l'échange, le contenu mais aussi la forme. La joute, par exemple, la plaisanterie ou la violence. Exemple, dans la cité, tout le monde se traite de PD. Dans un débat politique, au stade, sur la cour de récréation, l'injure n'a pas le même sens. Et quels sont en fait, enfin, les effets de l'injure ? L'intention de l'injurieur, le statut social et les positions de pouvoir des participants, la présence de tiers. On pourrait distinguer ainsi une injure raciale, spécifique donc, d'une injure raciste, non spécifique. Pour résumer, on pourrait dire qu'avec l'injure, il faut tenir compte de la situation d'énonciation, des lois de l'échange, la multimodalité des interactions, l'importance de la temporalité des échanges et l'intentionnalité des locuteurs. Evelyne Laguerge, dans « Espèce de les lois de l'effet injure », distingue donc injure spécifique et injure non spécifique. L'injure spécifique mobilise en son contenu un savoir direct sur la personne de l'injurié. Qui est-il et que montre-t-il de lui en public ou que cache-t-il de lui aux autres ? Où sont ses points faibles ? Le but est de déprécier la personne et vise à l'atteindre dans son identité ou dans son intégrité. L'injure non spécifique ne s'appuie pas sur des attributs singuliers de l'injurié, mais mobilise des expressions idiomatiques correspondant à ce que localement on pourra considérer comme le lexique de l'injure. Elle vise à discréditer son interlocuteur et à l'exclure, à signifier la différence qu'il entretient avec l'injurié. Espèce de con suppose ne pas en être un soi-même. La réplique « connard toi-même » tend à souligner la manœuvre présente dans l'injure non spécifique. Plus raffiné serait de le traiter de nodocéphale, car l'injure échappe alors à celui à qui elle s'adresse. Plus subtil serait encore de trouver chez autrui une caractéristique dépréciative, une faille, un point sensible. Dans les registres de l'injure, il y a des injures grossières, vous les connaissez, je ne vous fais pas un dessin, mais il y a aussi des injures raffinées, des injures qui n'en ont pas l'air, un rire, un regard, une photo. Il y a aussi des injures raffinées dont le sens échappe en partie à celui à qui elles s'adressent. L'injure peut donc se déguiser en des termes distingués, mais qui n'en sont pas moins injurieux. L'injure peut remplir aussi des fonctions qui sont propres à l'injurieur. Il y a une psychologie de l'injure qui peut être indépendante de l'injurié. L'injure, on le voit, ça soulage, ça libère. Elle a ceci de paradoxal qu'elle déroge à la règle dans sa forme. On apprend à ne pas dire les gros mots, c'est barbare. Bien qu'elle s'appuie sur une norme implicite ou explicite, sur le fond. Espèce d'hétérosexuel. Ça ne marche pas, hein, pareil, hein, qu'espèce de pédé. Blanc-bec, peut-être, mais il s'agit ici d'un jeune oiseau prétentieux. On peut dire aussi alburostre, mais là, très peu comprennent. Sainte Nitouche, on voit là l'excès inverse à l'aguicheuse. Saint Nitouche ou aguicheur, ça ne marche pas. Bref, pour que cela marche, il faut un rappel à la norme, ici de genre, dans une forme pourtant combattue par la norme. Elle provoque chez le sujet, en particulier chez le sujet adolescent, pubertaire, de se sentir en dehors des conventions et d'attaquer ce qui peut apparaître comme trop policé, de triompher contre la loi commune, contre les contraintes sociales, contre les exigences du surmoi. Elle se fait devant ou avec d'autres pour renforcer l'appartenance groupale. Empêcher toute expression de l'injure peut être contre-productif. Ça ne se décrète pas. Jimmy nous en parlera peut-être. Oui, mon intervention va vraiment s'inscrire dans la lignée de ce que tu viens de dire. Là, je vais vous aborder, donc, après avoir vu la définition de l'injure par la loi, l'interprétation maintenant de l'injure par le juge. Donc, on se situe sur un autre niveau, au niveau de l'application de la loi. C'est vrai qu'il n'existe pas dans la loi une liste bien déterminée de mots qui seraient par définition injurieux. Le juge n'ouvre pas un dictionnaire lorsqu'il doit rendre un jugement pour dire que telle injure, tel mot est par définition injurieux. Donc tout est fonction du cas par cas. C'est vrai que tout dépend du qui dit quoi à qui. On est dans cette lignée-là. Alors, seul le contexte, finalement, de l'emploi permet de déterminer si le mot est injurieux. Par exemple, le terme de PD, tu en faisais illusion tout à l'heure, il ne va pas avoir du tout le même sens s'il est proféré dans une cour de récréation, dans une boîte gay, ou alors, tout à l'inverse, au cours d'une manifestation contre le mariage pour tous. Et donc le juge va vraiment prendre en compte tout ce qui gravite autour de la notion d'injure, autour du mot qui a été proféré ou de l'image qui a été diffusée. Je dirais qu'il y a trois cercles à prendre en compte. Il y a un cercle très général, tout d'abord, qui fait référence au contexte politique et social. Le juge va faire référence au contexte politique et social. On a par exemple une affaire dans laquelle il était retranscrit une devinette qui avait été posée à la télévision au cours d'un jeu télévisé. Et donc la devinette était la suivante. Qui a un costume de chauve-souris et vole avec une cape? Batman. Qui a une grosse tunique et vole entre les buildings? Superman. Qui vole de supermarché en supermarché? Musulmane. Et donc là, la cour d'appel de Paris, qui a été approuvée par la cour de cassation, a considéré qu'il y avait bien une injure dans cette devinette-là. Et ce qui est intéressant, c'est la justification du juge. Il dit que l'humour peut être extrêmement délicat dans un domaine qui touche à la préservation de valeurs dont l'histoire, mais aussi l'actualité, nous montre la fragilité. Le contexte politique et social ne permettait pas un humour dont les effets sont immaîtrisables. Et donc là, on voit bien que le juge prend en compte le contexte social, le contexte politique, qui, s'il est explosif, peut restreindre davantage la liberté d'expression. Ça, c'est le premier cercle, donc le contexte politique et le contexte social. Ensuite, il y a un second cercle que le juge prend en compte dans l'appréciation des propos, qui est un peu plus resserré. C'est les émetteurs, qui émet le propos et qui le reçoit. En ce qui concerne tout d'abord l'émetteur, le juge va regarder la place qu'occupe la personne qui profère cette injure. Est-ce qu'il s'agit par exemple d'un parlementaire, d'un député, d'un sénateur, et dans ce cas-là, sa liberté d'expression est un peu plus grande que s'il s'agit d'un citoyen lambda. Est-ce qu'il s'agit d'un humoriste? Et à ce moment-là, sa liberté d'expression est aussi considérée comme étant plus large. Et on a eu le cas avec une affaire qui a opposé Nicolas Bedos à Marine Le Pen. Nicolas Bedos avait pu qualifier Marine Le Pen, de salope fascisante. Et le juge a considéré qu'il n'y avait pas d'injure là-dedans parce qu'il a pris en compte d'une part la profession de Guy Bedos, qui est humoriste, et donc il a dit qu'à partir du moment où Guy Bedos est un humoriste, et là on ne sortait pas du cadre de cet humour, eh bien il n'y avait pas injure. Donc on voit bien que le juge prend en compte la personnalité et la profession de celui qui émet l'injure. Ensuite, en ce qui concerne maintenant la réception de l'injure, donc ceux qui reçoivent cette injure, le juge va regarder ce que l'individu, entre guillemets, moyen, va pouvoir comprendre de l'injure. Et donc là, il va faire appel à la notion de mémoire collective. Est-ce que ça renvoie à une mémoire collective qui est partagée ou non ? Je pense que vous vous en souvenez, il y a eu aussi une affaire où une candidate FN avait posté sur son mur Facebook une photo de Christiane Taubira qu'elle avait associée à un singe. Et donc là, le juge a considéré qu'il y avait bien une injure parce que cela renvoyait à un poncif, et là je reprends les termes du juge, à un poncif clairement raciste. Autrement dit, ça appartient, ça renvoie à une mémoire collective, ça renvoie à un imaginaire collectif, et donc à ce moment-là, tout le monde est en mesure de comprendre que derrière ce qui se trame, c'est bien une logique raciste, et donc le juge a sanctionné cela. Ensuite, donc là je vous ai évoqué un premier cercle qui est le contexte politique et social, le second cercle qui renvoie à l'émetteur et au récepteur de l'injure. Ensuite, il y a un troisième cercle encore plus restreint, c'est le pourtour en quelque sorte du propos. Par exemple, si un propos a été tenu dans un livre, eh bien, le juge va regarder autour le chapitre dans lequel, par exemple, le propos s'insère. Si il s'agit d'une caricature, eh bien, le juge va regarder, par exemple, la légende de cette caricature pour voir si elle nous renseigne sur le caractère injurieux ou non du propos. Là, ça renvoie directement à l'affaire des caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo, où était représenté en une de Charlie Hebdo un dessin fait par Cabu, où on voyait le prophète en train de pleurer et se cacher les yeux en disant « c'est dur d'être aimé par des cons ». Et donc le juge a considéré qu'il n'y avait pas injure parce que le dessin s'entendait avec la légende. Et la légende, c'était « Mahomet est débordé par les intégristes ». Et donc le juge a considéré que les cons, en l'occurrence, ce ne sont pas les musulmans, donc il n'y a pas d'injure à raison de la religion. Les cons, ce sont les intégristes. Et donc si injure il y a, ce n'est pas une injure à raison d'une religion, puisque les intégristes ne constituent pas une religion déterminée. Et donc il peut y avoir injure, mais pas une injure aggravée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors de toutes ces caractéristiques, de toute cette prise en compte par le juge, on voit bien qu'il y a un problème quand même qui se pose, c'est la subjectivité à laquelle est soumise la caractérisation de la notion d'injure. Tout dépend finalement de ce que le juge trouvera comme injurieux ou non. Or, le juge, c'est une personne comme vous et moi qui a des sentiments, qui a des croyances, qui vient d'un certain milieu social, et donc par exemple, la référence à la notion de mémoire collective, de mémoire partagée, eh bien peut-être que certains juges ne partagent pas du tout la même mémoire collective ou la même mémoire partagée. Et là, il y a un arrêt qui illustre très bien cette crainte, cette limite. C'était, je vous ai dit tout à l'heure, dans le cas de la caricature de Christiane Taubira en singe par une élue FN, le juge avait considéré qu'il s'agissait là d'un poncif clairement raciste. Je rappelle les mots. Dans une autre affaire, il y a un prêtre qui avait pu scander au cours d'une manifestation, je crois que c'était contre la loi pour le mariage pour tous, le prêtre avait pu scander « y a bon Banania, y a pas bon Taubira ». Et là, le juge avait considéré qu'il n'y avait pas injure, parce que justement, ça ne renvoyait pas à un poncif clairement raciste. Et donc, on voit bien qu'ici, le juge a peut-être oublié le passé colonial de la France et la mémoire collective qui a trait à cela. Donc on voit bien les risques qui sont liés à la subjectivité qu'il y a, qui est inhérente au fait même que ce sont des juges qui doivent trancher, et qui doivent trancher un litige qui, par définition, est assez impalpable. À chaque fois, ce sont des propos, ce sont des caricatures, et tous ne sommes pas... on ne ressent pas la même chose devant les mêmes mots, les mêmes images. Et donc, le contentieux, je dirais, de l'injure est soumis à cet aléa. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va laisser la place pour une dernière performance des lycéens où les deux classes vont se retrouver ensemble pour s'affronter. Merci, bravo. On aura l'occasion de vous féliciter à la fin, mais bravo. Merci. Désolée pour le petit changement de plateau, petite contingence technique. On va terminer cette conférence avec une troisième et dernière partie avant d'éventuellement échanger avec vous, avec le public, si vous avez des questions. Et je vais donner la parole à Emmanuel Graton pour une partie qu'il a intitulée « Les côtés de l'injure ». Oui, c'est surtout pour évoquer la question que dans l'injure, il y a toujours un rapport de domination, en fait, entre l'injurieur et l'injurié. Et la question est de savoir comment renverser ce rapport éventuellement. Du côté de l'injurieur, il peut y avoir, comme on l'a vu déjà tout à l'heure, aussi bien une intention de blesser l'injurié, hein, à travers l'injure spécifique, qu'une intention de signifier son appartenance à la norme et au groupe, hein, à travers notamment l'injure non spécifique, ou encore une seule manière, une manière de marquer sa domination et de créer un rapport de domination, d'emprise, hein, on pourrait dire, sur la personne de l'injurié. Peu importe l'énoncé, c'est alors l'énonciation qui importe, la prise de parole, le pouvoir des mots, le côté performatif qui assigne l'injurié et l'injurieur à des places donc différentes et inégales. Cette inégalité des places nécessite la présence de témoins qui représentent ici la norme au nom de laquelle l'injurieur peut injurier l'injurié. Les témoins sont les représentants de la société de ces normes, on pourrait les appeler des normopathes. Le silence du témoin sert de caution aux propos de l'injurieur. Les témoins se taisent de peur de basculer du côté de l'injurié et de devenir à leur tour les boucs émissaires. Ils se taisent et font corps pour ne pas se démarquer de la norme. Par leur présence, ils neutralisent la réponse possible à l'injure. C'est en fait ce tiers silencieux qui crée l'inégalité des rapports entre l'injurieur et l'injurié. L'un, un témoin par exemple, peut être tenté d'injurier à son tour pour indiquer sa position loyale vis-à-vis de l'injurieur et donc de le relayer. Il peut aussi intervenir parfois pour défendre l'injurié, mais il doit alors avoir suffisamment de force et d'appui pour cela. L'injure peut alors se retourner contre l'injurieur. Du côté de l'injurié, il n'a pas vraiment le choix. Se rebeller présente le risque de se faire redoubler d'injures. Se taire cautionne le pouvoir inégalitaire en place. Il en résulte le plus souvent un sentiment de honte. La honte est sociale, à la différence de la culpabilité. Une manière de s'en sortir est de se réapproprier alors l'injure comme marqueur identitaire. Des conduites d'évitement ou de revendication peuvent alterner dans la gestion du stigmate et son itinéraire moral. Des possibilités de dégagement sont possibles avec le temps, avec l'humour, par le militantisme aussi, la revanche qui transforme la honte en fierté. Toute injure est prise dans une configuration, des interactions qui tentent d'établir les places en termes de rapport de domination. Pour lutter contre les discriminations, il faut déplacer ce rapport dans un sens qui puisse être favorable à une égalité et pour lequel le témoin, encore une fois, a un rôle central. L'injure vient marquer une altérité radicale entre l'injurieur, censé être exclusivement du côté de la norme et de la domination, et l'injurié, censé être du côté de la déviance et de la soumission. L'injure désigne l'injurié, le qualifie, mais vise aussi pour l'injurieur à se défendre, à se montrer différent de l'injurié et à se présenter inversement à l'injurié. Pourquoi cette opération de clivage langagier, si ce n'est pour sortir d'une ambivalence, d'un inconfort socio-psychique dans lequel se retrouve l'injurieur ? Cela traduit une forme de déni. Je ne suis pas comme toi. L'injure traduit chez l'injurieur la nécessité de s'affirmer. N'y parvenant pas positivement, il l'effectue négativement, sur le dos d'un tiers, en prenant le plus souvent à témoin tous ceux qui sont susceptibles de se reconnaître dans cette nécessité de s'affirmer identitairement comme il faut, comme l'on doit, socialement. Le témoin atteste par sa présence et son silence du bien fondé de la frontière entre l'injurieur et l'injurié. Pour sortir de l'ambivalence, il adopte le plus souvent le parti de l'injurieur pour éviter de basculer du côté de l'injurié. Il peut occasionnellement prendre le parti de l'injurié, prendre le risque de l'exclusion ou bien renverser la norme. Les termes d'homophobie et de sexisme procèdent de ce type de renversement. L'injure homophobe traduit une désapprobation autant sur le genre que sur l'orientation sexuelle. L'injure sexiste traduit également une désapprobation de genre. Il s'agit dans l'un et dans l'autre cas de maintenir une inégalité entre les sexes, un ordre hiérarchique entre les sexes, une domination masculine face à une disponibilité féminine. Que dire alors de l'injure sexiste entre filles ou encore de l'injure sexiste adressée à des garçons ? Les mêmes mécanismes sont sans doute à l'œuvre, mais c'est la norme, ce qui sert de référent qui a simplement changé. Au-delà de l'insulte, il y a des acteurs, des mots, un contexte, une histoire et des interactions complexes entre tous ces paramètres, ce que Norbert Elias appelait une configuration. Je vais donc vous parler de la perception du droit de l'injure par la population en général, après avoir vu la définition de l'injure par la loi et l'interprétation de l'injure par le juge. Quand on parcourt un peu les réseaux sociaux, quand on entend des bruits dans la rue, certaines conversations, on a un peu l'impression que se développe de plus en plus un sentiment d'un deux poids, deux mesures, une sorte d'injustice. Et ce, à deux niveaux. D'une part, un sentiment d'un deux poids, deux mesures au niveau de la confection de la loi. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'injure entre guillemets normale et après il y a des circonstances aggravantes que sont les injures à raison de l'orientation sexuelle, du sexe, de la race, de l'origine et de la religion. Eh bien, certains disent que ce droit devient de plus en plus communautaire et qu'il vise à protéger certains groupes particuliers et en ce sens, on perdrait l'universalisme propre à la France. Ça, c'est la première impression d'un deux poids, deux mesures qui se développe de plus en plus. La seconde impression d'un deux poids, deux mesures se manifeste au niveau de l'application de la loi à partir des arrêts. Certains constatent que, par exemple, là où Dieudonné serait condamné, eh bien, Guy Bedos ne le serait pas. Et donc, il y aurait un sentiment d'injustice, d'un deux poids, deux mesures dans les peines. C'est sur ces incompréhensions que j'aimerais ici revenir pour tenter de les dissiper et d'expliquer pourquoi ces impressions de deux poids, deux mesures sont fausses. Tout d'abord, donc, au niveau de la perception de la loi, donc revenir sur le fait qu'il y aurait soi-disant un communautarisme qui se développerait par de méchants lobbies qui seraient des lobbies gays ou autres, c'est faux. Pourquoi ? Parce que d'une part, c'est vrai que parfois on entend parler d'injures homophobes. En droit, ça n'existe pas. On parle d'injures à raison de l'orientation sexuelle. Si bien que peuvent se prévaloir d'une injure une personne totalement hétérosexuelle. Tous ont le droit de se prévaloir de ce droit. Par ailleurs, le juge ne regarde pas lorsque l'on se retrouve face à lui si vous vous êtes senti insulté par une injure dite homophobe, il ne va pas regarder si vous êtes effectivement homosexuel. Donc ça s'applique bien à tous, à tout le monde. Donc quand on parle de droit catégoriel, c'est faux sur ce point-là. Ensuite, concernant par exemple la race ou l'origine, c'est la même chose. On parle parfois de racisme anti-blanc ou de racisme anti-français qui serait beaucoup moins bien protégé. Et on s'appuie pour cela sur une affaire en général. C'était un rappeur qui avait dit dans sa chanson « Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime ». Et il n'y avait pas eu condamnation. Sauf qu'en droit, c'est normal qu'il n'y ait pas eu de condamnation parce que le rappeur ne visait pas les Français, il visait la France. Et en droit, il faut qu'il y ait des personnes qui soient visées. Ça fait référence aussi à l'affaire Van Est. C'est un député, le député Christian Van Est, qui avait pu dire une fois que l'homosexualité est une abomination pour la société. Là non plus, il n'a pas été condamné parce que le juge a considéré que Christian Van Est émettait un jugement sur l'homosexualité et non pas sur les personnes homosexuelles. Et donc, pas de condamnation pour injure. Donc en fait, tout ça pour vous dire que le dispositif de lutte contre les injures en France tente bien de protéger la personne dans sa dignité. Donc il y a une protection individuelle, il n'y a pas une protection pour le groupe auquel il appartient parce que le juge en lui-même ne regarde pas si la personne appartient effectivement à ce groupe-là. Donc il y a une protection de la dignité humaine et au-delà, il y a une protection de la société en général. On considère qu'à partir du moment où une injure est faite à l'égard d'une personne, eh bien, l'injure est finalement faite à l'égard de toutes les personnes. Est au fondement du droit le principe d'égalité. Il y a un texte en droit qui est très important, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et l'article 1er de cette déclaration dit que les citoyens naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et c'est ça finalement qui est au fondement même du dispositif de lutte contre les injures. Alors après, pourquoi ces critères précisément? Pourquoi le critère de l'origine? Pourquoi le critère de la race? Pourquoi le critère de la religion, de l'orientation sexuelle, le critère du sexe? Eh bien ça, c'est un choix politique, tout simplement. Le législateur considère que si une injure est faite à raison de ces différents critères, eh bien ça impacte davantage le fameux vivre ensemble, la fameuse cohésion nationale. Cette notion de cohésion nationale est souvent reprise par le juge. Ça a été repris dans l'affaire Dieudonné de 2014, répété en 2015, le juge a considéré que les propos de Dieudonné portaient atteinte à la cohésion nationale. Et donc, si le législateur sanctionne davantage les propos à raison de l'orientation sexuelle, du sexe ou de la religion, de la race, de l'origine, c'est parce qu'il considère que ça porte davantage atteinte à ce vivre ensemble. C'est une question politique, c'est un choix politique qui est gouverné par des justifications qui seraient davantage sociales. Alors ensuite, la perception des jugements, le fait de voir dans certains jugements un deux poids deux mesures. Là où Dieudonné serait condamné, Guy Bedos ne le serait pas pour les mêmes propos. Là, ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure sur la contextualisation qui est opérée par le juge. Il ne suffit pas de dire le même mot pour qu'il y ait le même résultat. Le juge ne regarde pas le mot en tant que tel, il regarde bien le contexte d'énonciation de ce mot. Et finalement, ce sentiment de deux poids, deux mesures s'est considérablement développé avec l'arrivée d'Internet. L'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux. Parce que Internet va brouiller, en quelque sorte, le message discursif. Les propos vont être complètement isolés, tronqués. On ne va plus se soucier de qui a dit quoi, dans quel contexte, à quelle occasion, quand. Quand on va demander mais qui a dit ça, mais non, je ne sais pas, j'ai trouvé ça sur Internet. Oui, sauf que le juge, lui, il recontextualise justement pour dire s'il y a eu véritablement injure ou non. Et c'est là que peuvent naître certaines incompréhensions. Par ailleurs, Internet, l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux a changé considérablement la donne sur le nombre des récepteurs potentiels du message. Là où un humoriste savait à qui il s'adressait lorsqu'il le disait, eh bien maintenant son propos peut être repris et développé et dit à l'ensemble de la communauté, je dirais, Internet, et donc à un public qui n'est pas forcément sensible à l'humour de cette personne-là. Donc on voit bien qu'avec le développement d'Internet, eh bien, ceux qui en pâtissent, ce sont surtout les humoristes, finalement. Et un humoriste antiraciste comme Guy Bedos peut être facilement associé à un humoriste raciste comme Dieudonné, parce qu'on va complètement décontextualiser les propos, on va prendre les propos d'une manière tronquée, sans les replacer dans le contexte. Il y a eu un cas, par exemple, où Guy Bedos, au cours d'une soirée, avait fait la réflexion suivante. Il avait dit « Attention, il y a beaucoup de musulmans dans la salle, surveillez vos sacs ». C'est sûr que pris comme ça, ça peut être considéré comme une injure à raison de la religion. Sauf que si on regarde le contexte, eh bien, Guy Bedos avait dit ça à l'occasion d'une soirée qui avait été organisée par SOS Racisme. Donc c'était bien pour dénoncer, au contraire, des préjugés racistes qu'il l'avait dit, et donc il n'y avait pas du tout injure dans ce cas-là. Bref, ce deux poids, deux mesures, pour moi, doit une large part, d'une part au contexte actuel avec une forte crise identitaire, d'autre part au fait finalement que on a plus souvent connaissance des jugements par l'intermédiaire des journalistes, et les journalistes ne sont pas des juristes, donc ils ne parviennent pas forcément à expliquer réellement pourquoi le juge a statué dans ce sens-là. Et puis, par ailleurs, il faut l'avouer, hein, les décisions de justice ne sont pas forcément accessibles par tous. Quand on regarde sur Internet, parfois, on n'arrive pas à avoir la décision de justice en cause. Il faut être abonné à des bases de données excessivement chères, ne font pas tous les citoyens. Et puis, par ailleurs, il y a peut-être un problème aussi au niveau de la loi qui n'est pas forcément intelligible. La loi est de plus en plus compliquée, et c'est là peut-être le rôle justement des universitaires, et j'espère y avoir contribué un peu ce soir, que d'expliquer le pourquoi des lois et le pourquoi des décisions de justice. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Peut-être avant de clore, laissez la parole à la salle si vous avez des questions ou des remarques. Alors, quel est l'abruti qui va prendre la parole ? L'abruti. Bon, après, il n'y a pas d'obligation. Mais... Oui ? Ah, bah, très bien. Bonsoir. Oui, j'ai loupé, ma question s'adresse surtout aux juristes, excusez-moi monsieur, j'ai loupé le tout début de votre intervention. Je voulais savoir si vous aviez évoqué le cas de l'injure en raison de la fonction de la personne, à savoir le chef de l'État ou la cour, et si vous pouviez nous rappeler quel était le statut juridique de ces injures-là en France aujourd'hui. Non, je ne l'ai pas abordé. C'est vrai qu'il y avait eu le fameux exemple du casse-toi pauvre con qui avait été dit à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Quelqu'un avait repris le fameux mot qui avait été prononcé par Nicolas Sarkozy même. Et ça, quand ça s'adresse à donc une personne, donc le chef de l'État en l'occurrence, on parle de délit d'offense. Et donc la personne qui avait dit ce propos-là, casse-toi pauvre con, avait été sanctionnée, avait reçu une amende par les tribunaux français. C'était remonté jusqu'à la Cour de cassation, et cette personne-là était allée devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme a sanctionné la France en considérant que le délit d'offense envers le chef de l'État est un délit qui est quand même daté et qu'il faudrait revenir sur cette loi. Et donc, par conséquent, ce délit d'offense n'existe plus depuis 2013, il me semble. On est revenu dessus. Et donc, je dirais, la protection juridique qui encadre le statut du président de la République est davantage, moins protégée, du coup, qu'avant 2013. Voilà. Bonsoir, bonsoir bande de cons, très content d'être parmi vous. Moi j'ai une question par rapport à ce que vous parlez de cette configuration et du coup de la souplesse, on peut agir sur cette configuration, et je pensais pendant vos exposés à l'exemple d'Erdogan et à la manière dont depuis quelques années on voit bien qu'il reconfigure non seulement au sein de son pays, cette notion d'injure, et là, dernièrement, il s'en est même pris à une journaliste en Allemagne. Et ce qui me frappe là-dedans, de manière sensible, c'est, vous avez parlé aussi de l'art de l'injure, et comment j'ai l'impression, on voit bien qu'il y a comme deux mouvements, et un mouvement d'ouverture, quand on cite Rabelais, Montaigne, tous ces gens-là, et qu'on voit bien qu'on peut se traiter de con, d'abruti, de machin, et c'est aussi une manière de s'aimer, et d'ouvrir les possibles, et à l'inverse, une manière de se refermer petit à petit, et au point, comme chez ce monsieur, d'aller emmerder les autres dans un autre pays. Enfin, vous voyez, j'aurais voulu avoir votre sentiment là-dessus. Merci. Oui, peut-être quand Norbert Elias parle de configuration, juste c'est pour qu'il situe un petit peu la place des différents acteurs et la manière dont ils peuvent jouer. Il prend l'exemple avec, vous voyez, même un match de football, à la limite, vous pouvez prendre un match de football, vous avez deux équipes, vous avez des adversaires, vous avez un ballon qui circule, et en fait ce ballon il circule pas n'importe comment, il circule en fonction de la place des différents joueurs, de ce que fait l'un, et dès qu'il y en a un qui bouge, l'autre bouge autrement, etc., pour percevoir la balle, etc. Donc l'idée de configuration, ça vient de là, c'est cette idée que précisément dans un contexte particulier, dans un espace particulier, dans un champ particulier, d'autres diraient, finalement les différents acteurs ont une place, et chaque acteur peut évidemment faire changer le match ou faire changer le jeu, hein, le jeu de l'injure en question. Donc dans l'exemple que vous prenez, on voit qu'il y a effectivement un joueur qui essaye de déplacer quelque chose, hein, et qui essaye de modifier le type de configuration. Moi, je suis très sensible à ces questions-là, notamment sur le plan un petit peu des évolutions qu'on peut voir actuellement. Un certain nombre de discours n'auraient absolument pas pu passer il y a 5 ans, il y a 6 ans, alors qu'aujourd'hui, par exemple, l'axe du mal, l'axe du bien et l'axe du mal de Bush, par exemple, voilà un discours effectivement pour lequel il y avait effectivement beaucoup, beaucoup d'opposants. Aujourd'hui, ce discours-là, je ne dis pas que ça concerne la majorité de la population, mais il a finalement agi dans les représentations et un certain nombre d'autres acteurs le reprennent et ça devient un peu plus banal et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire que la configuration est en train de changer. Je pense que, par rapport à ce que Jimmy disait aussi, c'est que quelque chose qui, dans un contexte, peut être situé comme une injure, peut, à un autre endroit, ne pas être considéré du tout comme une injure. Et ça, simplement parce qu'il y a eu un déplacement de configuration, on pourrait dire. Il y a eu d'autres acteurs qui sont intervenus. Et la question des normes, on sait bien, elles bougent, elles se déplacent. Et justement, il y a un peu une lutte, on pourrait dire, entre les différentes manières de percevoir la vie, de percevoir le rapport que l'on entretient avec les autres, qui peut justement bouger. Si moi j'ai pris l'exemple du barbare tout à fait dans la première intervention, c'était bien pour dire ça, je veux dire que tout le monde peut utiliser ce terme-là un peu dans tous les sens, etc. Mais qu'est-ce qu'il veut dire vraiment en arrière-plan, quoi ? Qu'est-ce qu'il signifie ? En quoi est-ce qu'il nous dédouane peut-être d'une certaine réflexivité sur notre propre barbarie, hein ? Et donc c'est ça l'idée un petit peu, c'est que ça se passe dans un jeu sémantique, dans un jeu symbolique. Et donc il s'agit effectivement de prendre cette question-là au sérieux et éventuellement de faire modifier les configurations pour faire reculer toujours un petit peu plus justement ces injures qui portent quand même atteinte à la dignité et à la liberté d'un certain nombre de nos concitoyens. Ah oui, alors à porter plainte, là, je ne sais pas. Là, je te laisse répondre. Alors là, honnêtement, vous me posez une colle. À quelqu'un qui a des... Oui. Si vous avez la réponse, ça m'arrange. Je n'ai pas la réponse, mais je peux donner des éléments parce que je suis une sale boche. Alors, je connais un petit peu le contexte. Alors, cette injure était, alors je traduis, un baiseur de chèvre. Et là, ça renvoie, parler à la télé, à une injure qu'on faisait aux immigrés turcs. Alors, et là, c'est un petit peu délicat alors, pour moi aussi. Et après, il y a encore aussi dans le droit allemand un paragraphe qu'on va abolir maintenant, mais il existe encore qu'une injure à un dirigeant d'un pays étranger, hein, est effectivement condamnable. Ça sont quelques éléments. Alors après, je ne peux pas dire plus. Hein, mais ça, c'est une, c'est quand même une injure qui ne concerne pas seulement ou qui fait rapport à vraiment quelque chose de, oui, plus ou moins commun et raciste envers une population turque immigrée. Oui, et je suis en train de penser à quelque chose. À mon avis, il y a le jeu aussi des immunités diplomatiques qui vont jouer. Et du coup, est-ce qu'il y aura vraiment injure et sanction par le droit ? Pas sûr. Par ailleurs, quels seront les tribunaux compétents? Est-ce que ce seront les tribunaux du pays dans lequel l'injure a été effectuée ou les tribunaux du président Erdogan? Non, ça c'est parce que ça c'est maintenant devant les tribunaux allemands, puisque il y a un droit et maintenant les juges doivent se prononcer si effectivement il y a Oui, mais attendons voir. Hein. Il y aurait quand même des conséquences diplomatiques, je pense, catastrophiques. Le fait de mettre un président étranger devant une cour allemande. Non, c'est pas le président qui, mais c'est le l'humoriste à la télé qui a prononcé qui fait ces propos qui ont été considérés suivant le droit allemand par. Dans ce cas précis, alors, il y a d'autres cas avec Erdogan, mais dans ce cas précis, c'est quand même un petit peu délicat. Hein. Je suis très, très curieux comment ça va terminer, alors je ne sais pas non plus. Hein. D'autres questions, oui. Bonsoir. Donc je voulais savoir si aujourd'hui tenir des propos comme dire de quelqu'un qu'il est homophobe, est-ce que la personne qui reçoit ce propos peut-il la qualifier comme une insulte, comme une injure, dire de quelqu'un qu'il est homophobe ou raciste ou voilà. À mon avis, ce ne sera pas une injure, ce sera plutôt de la diffamation. Pas de l'injure, ça repose sur un fait en quelque sorte. Et donc, ce serait plus de la diffamation que de l'injure. Voilà. Oui, mais dans tous les cas, est-ce que la personne concernée... Après, il faut le prouver. Oui, mais pourrait-elle porter plainte pour diffamation, justement? Ah oui. Oui, elle pourrait porter plainte pour diffamation, mais après, tout l'enjeu réside dans la preuve. Et là, c'est très difficile de prouver ça. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Ce serait pour savoir, hier, j'avais vu dans un reportage du Petit Journal, des journalistes qui avaient été traités par les militants de Jean-Marie Le Pen de collabos. Est-ce que c'est une insulte ou, enfin, je ne dis pas que c'est dans un ton humoriste, mais c'est pour savoir si cela peut être comme une injure ou une blague. Ce sera au juge de le dire. Alors, il va prendre en compte tout le contexte. Où est-ce que ça a été dit? Par qui ça a été dit? À qui ça s'adressait? Ça avait été dit par les militants de Jean-Marie Le Pen en Bretagne, parce qu'il y avait juste trop de journalistes qui posaient trop de questions à propos comme quoi il avait dit l'affaire qui avait ébranlé le FN à propos que les chambres à gaz, c'était un détail de la Seconde Guerre mondiale. Et il posait cette question à Jean-Marie Le Pen et les militants se sont mis à dire « vos gueules les collabos ». Pour moi, c'est une injure, mais je ne suis pas juge. Et donc, je pense que le contexte plaide en faveur d'une injure, oui. Ou d'une diffamation, encore une fois, parce que ça renvoie encore à un fait bien précis, qui est la collaboration. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Merci. Oui, moi je voulais poser une question plus assez générale. Est-ce qu'on ne va pas dans un monde où il risque d'y avoir de plus en plus de marques d'irrespect, d'injures et de diffamation, parce que il y a des facilités de données par Internet. Internet, comme vous le disiez tout à l'heure, donne une multiplicité de récepteurs très très importante, mais ça donne aussi, et psychologiquement c'est intéressant aussi à découvrir, la possibilité d'être anonyme et de dénoncer, d'injurier, d'insulter en se cachant. Alors Autrefois, il y avait les lettres anonymes, il y avait les corbeaux, il y a eu tout ça. Maintenant, il me semble que ça peut être à une échelle absolument immense, quoi. Oui, c'est vrai. Ce serait intéressant de regarder s'il y a eu davantage d'affaires jugées par les magistrats depuis, je dirais, l'arrivée d'Internet. Alors, il faudrait dater ça pour voir s'il y a eu une évolution et puis même avec les réseaux sociaux, surtout, voir s'il y a eu une évolution avec une augmentation ou non du nombre d'affaires. C'est vrai que ce serait intéressant à regarder. Et après, oui, le problème, c'est pour identifier la personne qui a dit cela. Oui, c'est un énorme problème, tout à fait. Cet anonymat qui est extrêmement inquiétant. Oui, quoi, complètement, hein. Oui, oui. Et ça montre une face de l'individu aussi, que ce que les gens sont capables d'écrire quand on regarde des forums quelconques, c'est effrayant. C'est peut-être pour répondre aussi partiellement un peu à cette question. Donc c'est un outil tout à fait nouveau. Voilà, enfin à l'échelle de l'histoire, c'est tout à fait récent, etc. Et il n'y a pas eu, on pourrait dire, à l'égard de cet outil, véritablement, on pourrait dire, un processus de civilisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas défini des règles très précises. Et donc on voit dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui se développer des chartes, hein, des chartes quant à l'usage que l'on peut faire effectivement de ça. Mais ça, il va falloir que ça relève effectivement d'un apprentissage, d'une éducation. Et peut-être que c'est vrai que je doute le fait que la loi puisse régler toutes ces questions-là, vu le nombre auquel on pourrait avoir affaire. Hein. Donc il faudra sans doute que ça passe par d'autres biais, plus éducatifs ou pédagogiques, me semble-t-il, quant à l'usage effectivement de ces outils. Tout ne passe pas par la répression, il faut vraiment insister là-dessus. C'est vrai que la notion d'éducation est très importante pour éviter peut-être des lois qui ne servent au final à rien quand on veut les appliquer. C'est vrai que cette notion d'éducation est très importante. Oui. Est-ce que finalement l'injure n'est pas une nécessité pour la structure de la société ? Est-ce qu'elle est nécessaire ? On parle de punir l'injure, mais est-ce que finalement elle n'est pas... Certes, il est nécessaire de la supprimer, enfin de la limiter, mais on ne peut pas totalement la supprimer. Je pense que c'est finalement ce qui va permettre une certaine structure, une certaine cohésion. Vous l'avez dit vous-même, c'est basé sur une certaine norme. Donc je pense qu'en tant que basé sur une norme, elle va être nécessaire à la structure pleine de la société. Je pense que les injures, on le voit, elles se déplacent. Hein, ce qui pouvait être tout à fait répréhensible à une certaine époque, l'est plus aujourd'hui. Et inversement, peut-être il y a des nouveaux comportements qui ne sont pas admis aujourd'hui alors qu'ils l'étaient autrefois. C'est quelque chose qui évolue. Donc c'est vrai est-ce qu'on pourrait vivre dans une société sans normes ? Hein, ça revient presque à se poser cette question-là, sans doute pas. En même temps, c'est vrai qu'on voit aussi de la nécessité. Moi, je reviens d'un colloque effectivement sur les adolescents. Et dans ce colloque sur les adolescents, on montrait effectivement combien la nécessité de pouvoir exprimer, enfin, c'est-à-dire, c'est le côté libératoire un petit peu de l'injure. Alors, c'est évidemment, il ne faudrait pas s'en prendre à un tel ou un tel, mais le fait de pouvoir justement pouvoir exprimer quelque chose, une colère qu'on peut avoir en soi sous cette forme-là, ça semble aussi d'une certaine façon comme une nécessité peut-être psychologique ou de certaines phases de la vie, en tout cas, pour pouvoir justement pouvoir exprimer ça. Alors. Le problème, effectivement, c'est lorsque cette injure, elle s'adresse à un tiers, à un autre, qui, lui, doit subir les affronts qui sont faits. Donc, il y a là peut-être quelque chose à inventer pour permettre à la fois ce côté libératoire, tout en permettant en même temps, effectivement, que l'autre puisse être respecté aussi dans son identité, parce que lui aussi, il a sans doute besoin de pouvoir aussi exprimer sa colère ou ses différents types de pulsions. C'est vrai que c'est Norbert Elias, encore une fois, qui a montré tout le processus de civilisation. En même temps, il nous apporte un certain nombre de contraintes relativement fortes. Et voilà, on ne sait pas trop jusqu'où est-ce qu'effectivement on peut accepter le fait de ne pas pouvoir, je dirais, exprimer telle ou telle idée ou telle opinion. L'essentiel, c'est que ça ne se fasse pas au détriment d'un autre ou des autres. Bonsoir. Ça serait plus une question d'un ordre juridique. En fait, avec l'évolution d'Internet, j'imagine que la loi doit s'adapter au fur et à mesure. Et en fait, on assiste de plus en plus à des lynchages sur Facebook, par exemple, lors de diffusion de vidéos privées ou de photos personnelles. Et donc, on a toute une partie de la communauté Facebook qui va poster des injures sur la page de la personne concernée. Et j'aimerais savoir si c'est de l'ordre du domaine privé ou public. Et qu'est-ce que la loi envisage pour ça? Parce que là, il s'agit de toute une communauté. On ne peut pas viser un individu en particulier. C'est à partir d'un profil personnel, on peut identifier la personne qui a proféré l'injure. Et donc si c'est dit sur une page qui est publique, l'injure sera considérée comme publique. Si c'est dit sur une page qui est privée, qui est fermée, là ce sera considéré comme une injure, mais une injure privée. Et donc les sanctions seront différentes. Voilà. Ah ben, il faudrait poursuivre chaque injurieur devant les tribunaux. Le procureur peut se saisir de ça et il peut lui-même engager les poursuites, mais à chaque fois il faut individualiser, on ne va pas faire une peine commune, une peine collective. Hein. C'est pas possible. Bonsoir, je voulais juste revenir, c'était plus sur l'utilité qu'à une insulte. J'ai un peu l'impression qu'une insulte a de l'utilité que si elle a de l'impact. Est-ce que ce serait pas plus intéressant d'apprendre à minimiser cet impact et à apprendre sur soi-même, à prendre du recul sur une insulte pour en baisser justement l'impact et la rendre plus inutile en fait au final, s'il y avait un intérêt à ça? Il y a ce qu'on peut dire que dans les personnes qui sont injuriées, c'est plutôt de celles-là dont vous parlez, si je comprends bien. En fait, il y a aussi des stratégies de retournement du stigmate en fait, hein, qui peuvent s'opérer, hein, et des constructions aussi d'identité de soi, qui peuvent se construire effectivement à partir de moments où ils ont pu être discriminés ou injuriés par d'autres dans la société. L'exemple auquel je pense, c'est Jean Genet, par exemple. Hein, quand Jean-Paul Sartre raconte l'histoire de Jean Genet dans Saint Genet, comédien et martyr, il raconte le fait que Jean Genet est accueilli dans une famille d'accueil, en fait, dont le père pronostique qu'il va devenir un voleur, en fait. Hein. Et Jean Genet, donc, est dans cette famille. Et il subit un certain nombre de maltraitances dans cette famille. Et un jour, il a l'intention de partir. Et pour partir, il a repéré que dans l'armoire de la chambre à coucher des parents de cette famille, il y a de l'argent qui est caché sous les draps, hein, en fait. Hein. Et donc, il dit que s'il veut partir et s'il veut avoir une chance de s'en sortir, il va devoir voler cet argent-là. Hein. Et donc, au moment où il va chercher l'argent dans cette armoire, finalement, le père débarque et lui dit « Je te l'avais bien dit, tu seras un voleur. Hein. » Vous voyez, cette identité stigmatisée, là, à un moment donné, qui lui a été professée, en fait, elle se réalise concrètement. Et donc, le seul choix qui reste, finalement, pour le stigmatiser, c'est de pouvoir s'accaparer de cette identité pour pouvoir essayer de construire quelque chose à partir de là. Hein. Donc c'est peut-être une façon de se réapproprier le stigmate pour en faire quelque chose dans sa vie, c'est peut-être une façon de faire. D'autres, effectivement, enfin, il y a d'autres idées que vous aviez là, que vous suggériez un petit peu en tout cas dans la question que vous posiez, qui était aussi celle de savoir comment finalement ne pas recevoir de façon trop violente cet impact, essayer de se dégager peut-être de cet impact. Et là, il y a d'autres voies, il y a celle de l'humour, il y a celle du militantisme, hein, c'est des petites choses que j'ai évoquées assez rapidement dans mon propos, hein, mais on repart que dans les stratégies identitaires, en tout cas, ces voies-là peuvent aussi servir de dégagement un petit peu du stigmate, de recomposition aussi de groupes discriminés entre eux qui peuvent développer par exemple un militantisme pour se construire autrement socialement. C'est la première et la dernière ou... Je reviens titiller le juriste. Récemment, une, une décision de justice a estimé qu'un garçon de salon de coiffure avait été licencié de manière abusive mais non discriminatoire, alors qu'on avait des éléments probants comme quoi son patron l'avait licencié en partie pour son orientation sexuelle. Le SMS de tête à quelque chose près disait je peux pas l'encadrer ce sale PD, de toute manière ils font tous des coiffures de je ne sais plus quoi, voilà. Je voulais savoir si on a été là face à un exemple probant de défaut de qualification de la part du plaignant, est-ce qu'il aurait dû se porter sur le terrain de l'injure pour cette partie-là, ou si on était face à, comme tu l'as exprimé tout à l'heure, une maladresse du juge, une incompréhension de sa part, et à un replacement abusif de sa part dans un contexte qui considérait, alors il me semble que les mots de la cour c'était qu'il était de notoriété publique que les salons de coiffure embauchaient énormément d'homosexuels. Voilà. C'est ça. Le tribunal reconnaît qu'il y a quand même injure. En revanche, il dit qu'il n'y a pas injure à caractère, lié à l'orientation sexuelle. Donc, il ne reconnaît pas la circonstance aggravante. Là, à mon avis, clairement, si la personne en cause fait appel, le jugement sera annulé. Ça, il n'y a presque aucun doute. Là, c'est une maladresse du juge énorme. Enfin, c'est même plus qu'une maladresse. Le jugement disait clairement, oui, que non, en gros, ça ne posait pas de problème que la personne se fasse insulter par SMS de PD. Elle avait reçu un SMS qui, normalement, ne lui était pas adressé, en fait. Et donc, ça ne posait pas de problème parce que, de toute façon, dans les salons de coiffure, eh bien, la plupart de ceux qui sont employés sont homosexuels. C'est aberrant et on voit de toute façon le tollé que ça a provoqué sur Twitter, sur Facebook, dans les médias pour se rendre compte du caractère absurde de ce jugement qui, si le plaignant fait appel, sera sans aucun doute révisé. Est-ce qu'on clôt là-dessus? Bon, on va aller se faire coiffer ailleurs. On va se faire coiffer ailleurs. Juste faire quelques remerciements. Merci à vous d'abord, Emmanuel Graton et Jimmy Chariot, pour cette conférence passionnante. Et merci à vous d'être nombreux et d'être de plus en plus nombreux au rendez-vous de la Fabrique. Le prochain sera autour de l'homme augmenté, du transhumanisme, ici même le 20 juin. Et je voulais remercier chaleureusement les lycéens qui ont fait des performances, qui n'ont travaillé qu'un après-midi, 4 heures, et notamment Émilien Diard-de-Teuf, le co-metteur en scène de Gargantua, et Valentin Borot, comédien dans Gargantua, qui sont actuellement en résidence ici au CDN pour reprendre le Gargantua qu'ils avaient créé lors de leur festival Nouveau Théâtre Populaire à Fontaine-Guérin et qu'on va avoir le plaisir de reprendre en salle à partir du 9 mai. Et voilà, donc les lycéens n'ont travaillé que 4 heures et ont fait vraiment preuve d'enthousiasme par rapport à ce projet. Donc je tiens vraiment à les remercier chaleureusement et j'espère que vous avez trouvé aussi un écho face à vos paroles savantes qui étaient brillantes et vraiment passionnantes. Merci beaucoup et voilà, merci à l'équipe technique aussi d'avoir monté cette scène aussi rapidement. À bientôt, au revoir.